France, entre vous. Si, madame, Chantal, mais moi j'allais pas. Et partez où? Loin. Hugo Pratt devient HP, un homme qui marche, un aventurier. Dans la bande de Manara, HP et Giuseppe Bergman, il est un maître en aventure qui guide le héros plus jeune. Jamais auparavant, un auteur de bande dessinée ne s'était transformé en personnage de bande dessinée. Il est acteur dans plusieurs films. Ce jour-là, il est au Festival de Cannes. C'est un intérêt, la bande dessinée. Parce que la bande dessinée, on dit toujours bande dessinée,